Le livre des bêtes, l'enfant et le chardonneret. Étendu dans l'épaisseur de l'herbe, un enfant s'abandonnait doucement au repos. Au-dessus de lui, un léger zéphyr balançait les tiges d'un trèfle blanc et d'un trèfle rouge. Un œillet sauvage brillait au soleil, et sur les touffes de gazon et sur la corolle des fleurs voltigeaient des papillons multicolores. L'enfant était abrité contre la chaleur du soleil par l'ombre d'un buisson touffu de noisetiers qui tapissait les deux bords d'un ruisseau dont l'onde claire et chantante rafraîchissait l'atmosphère. Couché dans l'herbe, l'enfant regarde et écoute. Le petit ruisseau babille gaiement au sortir des ténèbres que lui versent les buissons et plus haut, la forêt. Il se joue dans la clarté, il étincelle aux rayons du soleil. Il court dans la plaine vers la large rivière, et de nouveau l'ombre des saules l'obscurcit un moment. Et voici que le soleil du matin monte dans le ciel d'azur. Il surgit derrière un érable à la silhouette élégante. Il en illumine le feuillage tendre et délicat. Il transperce, et peu à peu dissipe le brouillard fantastique qui voilait les cimes de la forêt voisine. Au murmure du ruisseau, au frémissement des feuilles, oiseaux divers, insectes, d'autres êtres vivants viennent mêler leurs chants et leurs voix. Tout à coup, sur une branche d'un buisson, une fauvette apparaît. Elle commence sa chanson et la siffle avec une telle ardeur qu'on a de la joie à l'entendre. Toujours étendu sur le gazon, l'enfant admire la fauvette. « Si je pouvais l'attraper et la mettre en cage, pense-t-il, elle chanterait dans ma chambre. » Et il écoute, de plus en plus ravi, les trilles de la fauvette lorsqu'il aperçoit non loin, suspendu à une autre branche, une cage où se trouve captif un petit chardonneret. « Qui donc a suspendu cette cage ici ?» se dit-il. « Mais n'est-ce pas ma cage avec mon chardonneret ? Justement, qui donc a osé sans ma permission ? Je vais la reporter dans ma chambre. » Il veut se lever, mais il demeure comme cloué à terre. Et il entend, avec une stupéfaction indicible, le chardonneret qui parle et qui lui dit, en clair langage humain, « Tu n'as donc aucune pitié de moi ? Je suis si triste en cette cage où je suis tout seul, tandis que mes amis d'autrefois, les autres petits oiseaux, voltigent tous en liberté et chantent et sautillent tout le long du jour. Et moi aussi, il n'y a pas bien longtemps, j'étais un libre oiseau, toujours gazouillant et voletant à ma fantaisie. » Et maintenant, je suis en prison, dans une cage. Prends pitié de moi. Veux-tu que je te raconte comment je suis ainsi captif ? Un jour de beau soleil, je volais, tout joyeux, de buisson en buisson, quand une pierre, lancée par je ne sais qui, vint me frapper à l'aile. Tout meurtri, je tombais par terre, et incapable de reprendre mon vol, je cherchais à me dissimuler dans l'herbe. Par malheur, je fus aperçu par un petit garçon qui passait près de là. Je voulus fuir, je sautillais avec toute la vitesse de mes pattes, mais il se jeta à ma poursuite et m'atteignit. En vain, je me débattis, criant et m'efforçant de lui échapper. Il m'emporta chez lui et m'enferma dans une cage. Puis, lorsque la blessure de mon aile fut guérie, il alla me vendre au marché où tu m'as acheté. Je suis persuadé que si tu me retiens en cage, ce n'est point par méchanceté et que tu ne veux pas me faire du mal. Et sans doute, si tu étais en état de comprendre l'étendue de ma peine, prendrais-tu pitié de moi. Mais tu es semblable aux autres enfants. Tu ne réfléchis point. Tu ne comprends pas à quel point je suis malheureux. Oh, la belle existence que nous menions là-bas, dans la forêt verdoyante. Quelle joie ! Nous étions si nombreux, nous chantions si gaiement, en jouant tous ensemble. Oui, c'était une vie heureuse que la nôtre. Les baies abondaient dans la forêt et les grains dans les champs. Rien ne manquait à notre bonheur. Il y avait un ruisseau que nous aimions entre tous. Nous y volions en bande pour boire et nous baigner. Les enfants l'appelaient le ruisseau des oiseaux. Oh, comme nous étions heureux en ce temps-là. Mais pourquoi rappeler ces si doux souvenirs ? Je ne fais ainsi que raviver mon désespoir en songeant qu'au lieu d'un ruisseau limpide, je n'ai plus qu'une tasse avec quelques gouttes d'eau. Au lieu de baies, des graines sèches, et qu'après avoir voltigé dans la vaste forêt verdoyante, je languis dans une cage étroite. Oh, libre ! Être libre ! Oh, si quelqu'un pouvait inspirer le désir de me rendre ma liberté ! Et le petit chardonneret disait cela d'un air si triste que l'enfant, en l'écoutant, avait peine à retenir ses larmes. Il se réveilla. Dans l'herbe tendre où il s'était couché, le sommeil l'avait pris, et c'était dans un songe que le Chardonneret lui était apparu et lui avait parlé. En ouvrant les yeux, il regarda autour de lui avec surprise. La fauvette était partie et la cage n'était plus accrochée à la branche. Il s'en revint aussitôt chez lui dans sa chambre. Son joli petit Chardonneret était perché sur un des bâtons de sa cage et il avait l'air tout désolé. Alors l'enfant s'approcha de l'oiseau et lui dit « Quoique tout ce que j'ai entendu ne soit qu'un songe, je ne te priverai pas plus longtemps de la liberté et du bonheur, et je vais t'ouvrir la porte de ta cage. » Sitôt dit, sitôt fait, l'oiselet, redevenu libre, prit son essor en chantant joyeusement, et l'enfant le suivit longtemps dans son vol, d'un regard que la satisfaction faisait briller. Ici se termine l'enfant et le Chardonneret. Enregistré par Christiane Johanne.